Paris, point de mire vu d'ici. J'y vois toutes ces antennes qui brisent leur chair. Et je recherche celle qui sera la tienne. Pour me brancher comme une sonde sur la même longueur d'onde. J'ai l'étoile de Paris en point de mire vu d'ici. J'y vois des râteaux usés à l'habitude d'installer. Le mien s'est affaissé, voilà bien des années. Plus rien à recevoir, rien à donner. Je me rapproche du ciel pour écouter les ondes passer. Je me rapproche du ciel pour l'émission de ta pensée. Je me rapproche du ciel pour te trouver. Et je t'imagine comme un dessin qu'on dessine, courbé par le vent de tes désirs gênants. Couché par l'attente, je me lèverai face à toi, droit sans toucher terre, comme un paratonnerre. Je me rapproche du ciel pour écouter les ondes passer. Je me rapproche du ciel pour l'émission de ta pensée. Je me rapproche du ciel pour te trouver. Je me rapproche du ciel pour écouter les ondes passer. Je me rapproche du ciel pour l'émission de ta pensée. Je me rapproche du ciel pour te trouver. Je me rapproche du ciel pour écouter les ondes passer. Je me rapproche du ciel pour l'émission de ta pensée. Je me rapproche du ciel pour te trouver.